locales et alternatives. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. 4 fois radio communautaire de l'année aux rencontres de la disque depuis 2010. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Production Rhizome, maison de la famille Louis Hébert, SDC Faubourg Saint-Jean, Pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, centre communautaire L'Amitié. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Cette année au mois multi, ne manquez pas Saison complète, la toute nouvelle création de Théâtre Rue d'Ingénierie. Saison complète, c'est une œuvre qui évolue sous les yeux du public pendant 11 jours. C'est à la fois une installation, des performances et un film. Si intriguant que vous ne voudrez pas manquer un seul épisode. Vivez cette fascinante épopée en vous procurant l'abonnement à la saison complète. C'est un rendez-vous à Méduse du 24 janvier au 5 février. moimulti.org. Ce soir à l'aérospatiale, le livre photographique en résidence au Centre Vue, Don Darby et Philippe Palafré en expo duo à Beauport et Marie-Ève Fréchette au Centre Regard. J'entienne la France avec vous ce soir à l'animation de l'aérospatiale, votre magazine radiophonique sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Bonsoir à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Je commence par vous faire une petite annonce. On est assez excités, toute l'équipe de l'émission. On va faire une émission spéciale dans le cadre du mois multi. Donc, ça va être le 7 février et on va avoir l'occasion de rencontrer des artistes participants en compagnie de la commissaire Ariane Plante. On va être en direct de la Ninkasi, donc pour une ambiance plus conviviale et pour accueillir si vous voulez vous joindre à nous pour assister à l'émission sur place. Aujourd'hui, on va parler avec Lauriane Thibodeau qui vient nous présenter une chronique sur la résidence ouverte qui s'appelle Assemblage, donc qui est présentée à Vue, où les artistes Alexandre Berthier et Catherine Lebel-Ouellette travaillent à l'édition de leur livre photographique. Ensuite, Julien Saint-Georges Tremblay va venir nous parler d'une exposition qui regroupe des œuvres des sculpteurs Don Darby et Philippe Palafré, qui est présentée par la Société d'art et d'histoire de Beauport. Et en seconde partie d'émission, je vais m'entretenir avec Marie-Ève Fréchette pour discuter de son exposition Particules élémentaires qui est actuellement en cours à Regard. Mais juste avant, on va écouter un extrait de la sélection audio de Simon Roy, donc, qui nous présente cette semaine un artiste finlandais donc qui travaille sur l'intersection entre la technologie et la créativité, donc dans un processus d'art attitude. Donc on en écoute un premier extrait intitulé Sevenfoldness 1. Thank you. Alors, c'était l'artiste finlandais Yann Nummela. Donc, nous avons ici en studio avec nous Lauriane Thibaudeau. Bonsoir, Lauriane. Allô, allô. Donc, tu es allée voir... on se demandait, juste avant de débuter l'émission, comment on appelle Assemblage, qui est présenté à vue. Est-ce que c'est une résidence? Est-ce que c'est un atelier ouvert? Est-ce que c'est une exposition? C'est comme une espèce d'événement un peu hybride, en quelque sorte. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on pourrait appeler ça une résidence ouverte. On pourrait appeler ça aussi une résidence exposition, mais après ma barre, c'est vraiment la résidence qui est au centre du projet. Donc, c'est comme ça que les artistes l'appellent principalement. Donc, en fait, il s'agit de l'exposition Assemblage, espace de création de livres photos, qui est présentée présentement au Centre Vue, qui a débuté donc le 12 janvier, cette résidence exposition, qui va se poursuivre jusqu'au 18 février. Il s'agit du travail d'Alexandre Berthier et du travail de Catherine Lebel-Ouellette. Donc, ils sont deux artistes indépendants. Pour expliquer un petit peu la genèse du projet, en fait, c'est Alexandre Berthier qui a proposé au Centre Vue une résidence en galerie. Donc déjà ça, c'est assez particulier pour la réalisation d'un livre photo. Donc ça, c'est une résidence qui est faite en 2016. C'est le résultat d'une résidence qu'il a fait au préalable? C'est-à-dire qu'en effet, sa proposition de projet découle de sa résidence qu'il a faite en 2016 dans les laboratoires de vue. Cette résidence-là, en 2016, consistait à faire une numérisation de plusieurs années d'accumulation de photos qu'il avait fait. Mm-hmm. Et à ce moment-là, il a redécouvert, on pourrait dire, ses photos. Puis ça l'a amené quand il a vu l'appel de dossier de vue, c'est un appel de dossier passé, inventer le risque, il a proposé à vue de poursuivre une forme de sélection, une forme de travail sur ces photos-là, mm-hmm. mais non pas en contexte de laboratoire, lui seul avec les photos, mais plutôt en contexte public. Donc, d'où l'intérêt de le faire dans l'espace européen, donc dans l'espace galerie. Mm-hmm. Vue, évidemment, embarqué dans le projet, voyant vraiment beaucoup de potentiel. Puis Potentiel de risque, voilà, tout à fait. Et ils ont proposé à Alexandre de partager l'espace de résidence avec quelqu'un d'autre pour justement probablement exagérer un peu le risque possible, oui. Du moins en tout cas les interactions et les chamboulements qui peuvent survenir évidemment durant un processus de création. Donc ils ont proposé à Catherine Lebel-Ouellette d'embarquer dans le projet de résidence puisqu'ils savaient qu'elle venait de terminer un projet photo. Qu'elle a poursuivi justement dans les dernières années avec et qu'elle était prête, oui. Avec l'intention exactement de faire un livre photo, mm-hmm, aussi. Mm-hmm. Donc, on se retrouve dans l'espace galerie avec deux artistes distincts qui nous laissent entrer dans cette étape charnière qui est celle de l'assemblage, de la maquette en vue d'un livre photo. Mais c'est une seule des étapes des nombreux choix, oui, qui vont survenir et qui sont survenus aussi. Oui, parce qu'ils sont à un moment précis, ils débutent à un moment précis, mais le processus est déjà enclenché, ils partent pas de zéro, là. Non, pas, mm-hmm, exactement. Donc, je vais... Tout d'abord, vous parlez du travail d'Alexandre Berthier, ensuite celui de Catherine Lebel-Ouellette. Parfait. Donc, Alexandre Berthier, on le connaît surtout, ben, en tout cas, moi, prime abord, je dois avouer que je le connaissais comme artiste pluridisciplinaire. Donc, il touche à cheval, beaucoup, beaucoup, voilà. Mm-hmm. Art multimédia, art visuel, oui. Art audio aussi. Art audio, mm-hmm, beaucoup. Donc, je ne savais pas qu'il s'intéressait à la photo. Et alors, je le découvre. Surprise, il s'intéressait à la photo depuis plusieurs années. Donc, on lui doit l'idée du projet en tant que tel, comme je viens d'expliquer dans le cadre de l'appel de dossier Inventer le risque. Alexandre fait de la photo, ce qu'il appelle de la photo d'observation. Donc, oui, la photo pourrait toujours être de la photo d'observation, mais son intérêt, c'est beaucoup la prise de vue dans différents contextes. Puis c'est ce qui fait qu'il a assurément cumulé beaucoup, beaucoup de photos et qu'il est dans une étape très intéressante qui est celle de faire des sélections, de voir des liens dans ces rapports d'observation-là qui sont d'ailleurs, qui ont été faits dans plusieurs pays différents. On reconnaît très bien des photos d'Asie, tout ça. C'est des photos beaucoup sur le vif, les photos d'Alexandre Berthier. Voilà. Mm-hmm, donc, mm-hmm. C'est ça le terme là, d'observation, qui est, oui, un terme générique, mais on sent vraiment qu'il a capté des petits instants qui sont empreints beaucoup de poésie. Puis d'ailleurs, ce qui se passe présentement dans l'espace résidence met cette poésie-là en valeur. Mm-hmm. Donc, des liens, oui, qui parfois sont formel, mais on sent vraiment ce qui est caractéristique de son travail de sa démarche, donc les liens sociopolitiques, puis le vraiment, tu sais, c'est, on, il s'agit d'aller voir les photos pour bien comprendre, mais par exemple, on peut voir la photo d'un chien couché dans la rue, ça semble peut-être être en Inde, et puis à côté, il y a un homme un peu plus loin, un homme couché aussi qui dort. Donc, une photo comme ça qui est extrêmement puissante, puis qui présentement est associée, en tout cas, qui côtoie d'autres photos, mais est-ce que la maquette, est-ce que le livre photo sera vraiment dans cet ordre-là? On ne le sait parce pas, mais pour le moment... Parce que c'est encore en devenir. Exactement. Et puis du côté de Catherine Lebel-Ouellette, c'est quoi son approche photographique, Catherine? En tout cas, moi, ce que j'ai vu comme lien, c'est qu'entre autres, Alexandre travaille aussi avec des... et s'intéresse aux traces laissées par l'être humain. Puis là, c'est là où le travail de Catherine Lebel-Ouellette est tout à fait ça. Donc, Catherine, qui nous présente son plus récent projet, qui a été soutenu d'ailleurs par la mesure Première Ovation. Donc, on y retrouve ce qu'elle appelle des paysages transformés par l'activité économique humaine. Donc, ce sont beaucoup des photos d'exploitation minière ou encore de centrales hydroélectriques, donc les centrales qui sont toujours en fonction. Mais c'est très flagrant avec les photos d'exploitation minière, là, cette trace humaine et même le rapport de force qu'entretient la nature qui reprend aussi parfois possession sur certaines photos, on le voit clairement, là. Qui reprend possession sur le paysage. Donc, parfois, c'est même des photos de roches, donc de morceaux qu'elle a captés, qu'elle a ramenés chez elle. Et ce sont des photos studio carrément, là, avec un éclairage parfait, fond blanc immaculé et tout. Donc, il y a vraiment plein de correspondances très intéressantes qu'elle met en lumière. Puis c'est vraiment intéressant parce que, finalement, les deux artistes sont là en train de nous montrer une sélection d'une sélection et on assiste à un moment seulement de ce qui va être le livre photo. Catherine m'expliquait qu'il y a tellement de choix qui interviennent. Présentement, elle fait même abstraction dans un contexte de résidence de création comme ça. Elle essaie de faire abstraction de plusieurs contraintes techniques, notamment par rapport au prix de l'objet livre photo qui sera la finalité. Oui. Donc, mais pour le moment, donc on fait abstraction des reliures, des papiers, des typographies. Puis on se concentre vraiment sur l'agencement, les dialogues qui interviennent parce que évidemment dans le livre il y a ce rapport de deux pages. Oui. Et le rapport de format des photos et tu sais et la succession des images qui peuvent nous raconter une histoire. Donc moi je suis allée au vernissage, donc les artistes sont installés sur une seule et même table. Oui. Oui, c'est ça, c'est vraiment un partage de studio, d'atelier, comme s'ils étaient là depuis un certain temps. Puis là, il y a beaucoup présentement, donc je suis allée encore hier, il y a énormément de photos au mur, donc il y a beaucoup de mariages qui sont en train de se faire là. Ça va encore changer énormément, puisque on le mentionnait en début de chronique, c'est ouvert jusqu'au 18 février. Ce qui est intéressant pour le public, puis c'est là où j'encourage vraiment les gens à y aller, c'est que on a la chance d'être là à un moment... une des étapes de réalisation d'un livre photo. À la fin, peut-être qu'il y aura la maquette, peut-être qu'elle ne sera pas là non plus, parce que le temps n'est pas une variable qu'on peut absolument contrôler dans la réalisation d'un tel projet. Oui. Puis ce qui est intéressant, c'est le rapport au travail. Ça se peut que les gens viennent visiter l'exposition, puis la résidence expo, puis qu'en fait, Catherine soit en train de lire, puis qu'Alexandre soit en train de travailler sur son ordinateur, qu'il soit pas du tout dans la maquette objet. Et peut-être qu'éventuellement, ces rencontres-là, avec les gens qui viennent, vont venir nourrir le projet. Tout à fait. C'est ça l'essence, justement, mettre en contexte public comme ça, c'est parce que les artistes évidemment auraient pu le faire chacun de leur côté. Mais il y a vraiment, ouais, c'est très très riche. Donc je vous invite à aller voir l'exposition, puis je vous invite aussi à aller voir à aller à la rencontre en fait des artistes, puisqu'il y aura une table ronde ce jeudi à partir de 17h. Les artistes seront là évidemment sur place, mais il y aura aussi deux autres intervenants, donc Serge Allaire et Anne Bertrand. Donc il sera question du rôle du livre photo comme centre d'intérêt dans tout ça, son rôle, les différentes pratiques possibles, puis aussi la distribution, la diffusion, les enjeux qui vont avec ça, parce que c'est quand même substantiel dans ce livre dans cet objet qui cumule souvent des années de recherche. C'est vraiment un objet très, très particulier, très intéressant. Et qui continue à vivre justement à travers tous ces paramètres, tous ces facteurs qui passe de la distribution à la publicité, à la diffusion de cet objet-là, qui est le livre photographique. Donc, c'est un rendez-vous jeudi à partir de 18h à vue. Et on vous invite à aller voir cette belle exposition. Merci beaucoup, Lauriane Thibodeau, pour cette chronique. Ça me fait énormément plaisir. Donc, on va prendre une petite pause audio avec la deuxième partie de la pièce qu'on a entendue tout à l'heure, donc Sevenfoldness 2. Saint-Georges Tremblay, bonsoir. Bonsoir, Jean-Thierre. Donc, tu es allé voir une exposition qui fait la rencontre des œuvres de deux sculpteurs de métal. Oui. Oui. Tout à fait. C'est quand même un lien assez immédiat qu'on peut voir entre les deux. Donc, Don Darby et Philippe Palafry. Donc, c'est à la salle Jean-Paul Lemieux, à la bibliothèque Étienne Parent, donc à Beauport, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ben, c'est proche des cinémas. Oui, le Cinéplex Odéon, là, quand on veut voir des films en version originale, des fois on se ramasse à aller là. Oui, c'est ça, exact, c'est dans le coin. Fait que oui, c'est une petite épopée pour y aller en autobus, là. Mais sinon, oui, c'est ça, c'est deux artistes qui sont de la région. Hein, donc, Philippe Palafré, il habite à l'île d'Orléans depuis 2006. Oui. Puis Don Darby est à Québec depuis 1970. Depuis très longtemps déjà. Oui, ouais, c'est ça, exact. Il y a eu une rétrospective de son travail. À la maison Amel Bruno, c'était l'année dernière. L'année d'avant? 2015, oui. Une très belle rétrospective, oui, d'ailleurs. Ça, j'avais pas pu y aller, mais ça m'a donné le goût, par exemple, de suivre plutôt sa pratique, dans le fond. Donc, comme tu l'as super bien dit, c'est vraiment la rencontre des deux. Puis même, quand on rentre dans l'expo, rapidement, en fait, c'est pas clair qui a fait quoi, hein, parce qu'il y a pas de cartel. En fait, c'est plus une espèce de petit pamphlet qu'on nous donne, et là, après, on peut... voir c'est qui a fait quoi. Mais je pense que c'est voulu, en fait, parce que ça fait justement que les pièces discutent un peu entre elles, t'sais, dialogue. Là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a fait quoi, puis est-ce que les deux ont fait du métal. Souvent, je me dis, ah oui, c'est clairement Palafré qui a fait ça, puis non, finalement, c'est Darby et vice-versa. Ah, c'est intéressant. Donc, on a vraiment il y a quelque chose qui vient. En fait, c'est ça, c'est que les deux travaillent souvent, bon, le métal, comme je disais au départ, mais aussi vont mouler le métal, vont le marteler pour lui donner des formes. C'est ça, exactement. Mais c'est sûr qu'on va reconnaître. Par exemple, le travail de Don Darby lorsqu'il dessine. C'est ça. Moi, j'appelle ça dessiner parce que c'est carrément du dessin en trois dimensions. C'est comme ça qu'il l'appelle aussi. C'est du dessin spatial. C'est ça comme son terme pour expliquer sa pratique. Donc, c'est comme tu le dis, c'est plein de fils de fer qui finissent par faire un objet, une sculpture. Donc, c'est un dessinateur également. Il y a des dessins dans l'exposition aussi de Darby. Okay. On voit que au niveau comme justement du trait, il y a un rhinocéros juste notamment là, qui est saisissant, vraiment le côté réaliste. Là. Il y a en plus un énorme papier là, qui fait pratiquement toute la hauteur du mur de l'exposition. Ouais. Donc, on est vraiment dans deux univers où la matière, le fer, il y a des similitudes. pour ce qui est des thèmes qui sont abordés, ça peut être un peu plus différent, je pense, parce que Don Darby va plus avoir des thèmes qui vont évoquer justement les animaux de la jungle, l'ancienne vie de l'être humain, alors que Philippe Palafré est peut-être plus dans quelque chose de futuriste. Oui, mais comme tu dis, c'est ça, c'est comme deux univers, mais qui se rencontrent vraiment bien, finalement. En tout cas, j'ai trouvé, parce que la matière fait justement le pont. Là, tout d'un coup, ça crée comme des symboliques très fortes, admettons. Donc, oui, il y a beaucoup d'animaux chez Darby. C'est principalement ça qu'il va faire. Il y a des singes, il y a des rhinocéros, des éléphants. Mais il a fait deux grandes sculptures humaines dans les années 80, l'homme et la femme de Pékin. Ouais. C'est comme en référence à des ossements qui avaient été trouvés en 1930, proche de Pékin, qui dataient d'il y a 700 000 ans. Donc, c'est Homo erectus, donc c'est avant Homo sapiens, avant nous, finalement. Lui a fait deux sculptures humaines, puis notamment ces sculptures humaines-là font face à des sculptures de Palafré. Donc, il y a comme le côté très brut, très préhistorique, qui fait face à ces hommes de métal très, très polis, en inox, en aluminium, de Palafré. Donc, ça fait une référence. On dirait qu'il y a comme Une espèce de télescopage temporel, là, où le futur et le passé se rencontrent. Oui, se font littéralement face. C'est très direct. On met le futur et le passé l'un face à l'autre. Mais ça fait vraiment des... je trouve que c'est mes pièces coup de cœur, justement. Là. C'est quand les deux, en plus, étaient ensemble. Il y a vraiment comme... ça créait comme... il y avait autant des similitudes, autant vraiment les différences entre les deux pratiques. Le côté très, très brut, un peu plus torturé de Darby, on pourrait dire, dans la matière. Puis le côté très, très net. Léché. Poli. C'est très, très poli, le travail de Palafré. Vraiment. Il y a des pièces aussi d'ordinateur qui sont intégrées dans la plupart de ces pièces dans l'expo. Fait que là, ça donne encore plus cet aspect comme synthétique. Le robot. Il parle beaucoup, Palafré, de... des prothèses, finalement. Il y a comme... des machines. Il y a des morceaux de voiture aussi, je pense, dans certaines sculptures. Oui, c'est ça. C'est leur sculpture à deux qu'ils font. Donc, ils en ont fait une. Ça s'appelle Les Ailes de la Liberté. Oui, c'est ça. Les Ailes de la Liberté. C'est des pièces de Harley-Davidson, en fait, qui ont ils ont pris des pots d'échappement et des ailes, comme le garde-boue, finalement, des motos. Ils en ont fait une espèce de grand module avec les ailes. Les pots d'échappement sont comme au sol, sorte de petits cônes. Ça flotte, ça prend beaucoup d'espace dans la salle d'expo. Donc ça, c'est une œuvre qu'ils ont réalisée spécialement pour l'exposition? Exactement. Ou ils ont l'habitude de travailler ensemble? Je pense pas qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Ils ont fait vraiment... c'est la seule œuvre, il me semble, qui date de 2018. Qui est un duo. Et puis, ça, c'est présenté, comme on disait au tout début de la chronique, à la bibliothèque Étienne Parent, donc une salle d'exposition, mais c'est présenté par la Société d'art et d'histoire de Beauport, exact. C'est ça? Toutes les expos qui sont présentées à la bibliothèque Étienne Parent, c'est la Société des arts de Beauport qui s'en occupe. Donc, c'est jusqu'au 25 février, en fait. Donc, il y a encore plein de temps pour aller l'apprécier. Puis en plus, toutes les œuvres sont à vendre. S'il y en a une qui vous donne un coup d'œil, là, n'hésitez pas. Donc, les prix sont affichés? Oui, c'est ça. Il y a un catalogue avec les prix, un catalogue juste pour regarder les œuvres. Puis il y a beaucoup d'œuvres. Surtout pour Darby, on voit toute sa production en plus. Ça faisait pas une rétrospective, mais presque, finalement, là, parce qu'il y a vraiment une bonne quantité d'œuvres. Donc, il y a beaucoup d'œuvres, il doit y avoir une grande diversité. Tu parlais de dessin tout à l'heure. Donc, une diversité dans les médiums. Quel type de médium on peut retrouver, à part la sculpture sur métal? Ça va être principalement le dessin. Il va y avoir... c'est pas exactement de la sculpture, c'est plutôt qu'il a fait... oui, c'est une sculpture, mais c'est pas, je vais mieux l'expliquer. C'est-à-dire qu'il fait comme des masques, en fait. C'est-à-dire qu'il va imprimer le visage de ces deux sculptures, hommes et femmes de Pékin. Il va en faire des sortes de masques funéraires un peu. Ça me faisait penser à des masques funéraires du Moyen Âge. Comme la tradition des masques funéraires. C'est ça, tu sais, ou romain, admettons. Donc, ça fait vraiment, il y a quelque chose encore là de préhistorique, les anciennes civilisations, mais avec le métal très brillant. Il utilise plutôt de l'étain pour le matériel qui est utilisé pour les masques. Donc, encore là, donc, c'est intéressant contraste. Parce que là, on a comme une espèce de double au sein de la même exposition. On a une réitération du même motif, des mêmes visages. Oui, il en parle comme une étude, finalement, sur l'homme et la femme de Pékin. Parce que Il l'a fait en 1980, mais finalement, il... C'est un thème récurrent dans le travail de Don Darby, cette découverte-là c'est pas des vestiges, quand on parle d'être humain, des ossements. Ouais, des ossements, oui. C'est ça. Mm-hmm. Comme il est vraiment fasciné comme au rapport au temps, justement, comment on évolue. C'est ça qui me donnait comme impression, parce que avec les animaux, le singe, l'homme, admettons, donc on voyait vraiment comment... C'est ça, la civilisation évolue, puis finalement, on dirait que le résultat, ça serait peut-être les travaux de Palafré, finalement. C'est intéressant, donc ça crée vraiment un beau dialogue entre les deux pratiques. Donc, donc c'est en exposition jusqu'au 25 février. Oui. Moi, je vous dis, faites attention, parce que j'ai essayé d'y aller le lundi, et le lundi, c'est fermé. J'ai eu l'occasion de voir là, un peu les œuvres au travers des fenêtres, parce que la salle d'exposition est vitrée. Allez voir l'horaire d'ouverture de la salle Jean-Paul Lemieux avant de vous déplacer jusqu'à Beauport. Donc, c'est présenté comme on disait, par la Société d'art et d'histoire de Beauport, une exposition qui regroupe les œuvres de Don Darby et de Philippe Palafré. Donc, merci beaucoup, Julien. Merci à toi, Jean-Thiane. On va partir pour une pause publicitaire et on revient après la pause avec Marie-Ève Fréchette. CKRL.UC.CA est avant tout masse sonore, nuage de son. Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission Jamais comme tout le monde, animée par Tania Beaumont. De 17h30 à 19h30, en direct du bar Le Sacrilège, Tania reçoit des artistes d'ici et d'ailleurs en entrevue et prestations. Pour moi, la musique, c'est l'art du geste dont le son est la conséquence désirée. Ses collaborateurs proposent des découvertes artistiques et l'équipe promet de ne pas vous laisser partir les mains vides. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Comme une rumeur lointaine, indéfinissable. Le quartier de Lune, une seule place, deux ambiances. Piste de danse et spectacle le week-end. Cette semaine, ne manquez pas un hommage à AC/DC le 26 janvier et Tova Stolo de La Voix le 27 janvier. Karaoké, billard gratuit, 5 à 7 et doublez votre plaisir de 20h à 22h. Le quartier de Lune, 1096 3e avenue à Limoilou. Réservé pour vos parties, 418-523-4011. Devenez notre ami sur Facebook. De retour à l'aérospatiale, votre magazine radio en art visuel à Québec. Nous avons en studio avec nous Marie-Ève Fréchette. Bonsoir Marie-Ève. Donc, tu exposes en ce moment une exposition qui s'intitule « Particules élémentaires » au Centre d'artistes Regard à Lévis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette exposition qui est en cours? Oui, mais « Particules élémentaires », c'est un projet qui est essentiellement sculptural. Donc, mm-hmm. C'est un corpus dans lequel je présente une sélection d'une douzaine de pièces que j'ai réalisées durant mon projet de maîtrise en arts visuels. Donc, il y a quelques pièces qui ont initié le projet au tout début, puis qui ont évolué, qui sont transformées au fil du temps, mais la majorité ont été réalisées dernièrement, donc pendant la résidence au Centre Gare, donc oui, en décembre. Oui, c'est ça, parce qu'il faut le dire, ton exposition, elle va avec le... En fait, t'es la première récipiendaire du prix Regard. Donc, qu'est-ce que ça t'a permis, ça, le prix Regard? C'est remis à un étudiant à la maîtrise, c'est ça? C'est ça, donc un finissant de maîtrise, donc ça, il y a comme un combo, ça l'offre le projet, la possibilité d'avoir une résidence d'un mois. Donc, en général, le centre est fermé, disons, de mi-décembre à fin janvier. Mm-hmm. Donc là, c'est une belle initiative. Donc, on nous permet d'avoir accès au centre et à la fin de la résidence, de présenter notre projet. Donc, ça a été quelque chose de vraiment... c'était formidable pour moi parce que mon approche de travail est très empirique. J'ai une approche empirique de l'objet, de l'espace, qui fait en sorte que c'était presque impossible pour moi de prévoir la finalité du projet ou de prendre des décisions avant que le projet prenne forme physiquement dans l'espace. Donc, j'avais besoin de... D'un terrain de jeu. Exactement, c'est ça. Donc, parce que dans mon atelier, j'accumule toutes sortes d'objets. J'ai tout un inventaire d'objets ou de fragments d'objets qui m'interpelle et finalement à un moment donné, moi, ça me prend un espace parce que ça il y a une recherche qui est formelle dans mon travail mais ça mm-hmm. concerne tout autant l'espace donc ça m'a permis de construire des structures ou fabriquer des assemblages éphémères qui sont vraiment circonstanciels aux qualités spatiales du lieu donc ça, c'était un peu nouveau dans mon travail, parce qu'anciennement, j'avais plus des formes un peu plus finies, des volumes plus imposants dans l'espace. Quoique, c'est quand même des pièces à échelle humaine, là. Il y a beaucoup de pièces, mais mm-hmm. comme il y a une sobriété formelle oui. dans chaque assemblage, ça permet d'avoir une accumulation, puis d'en créer comme un corpus qui devient comme un univers formel, tactile, qui existe un peu selon sa propre logique. Mm-hmm. Et si on revient à la collecte d'objets, parce que c'est comme ça que ça débute, oui. si on veut, ta recherche esthétique. Donc, comment est-ce que tu procèdes quand tu colliges ces objets-là? D'où ils proviennent? Parce que, pour être allé voir l'exposition, c'est des objets qui sont généralement utilitaires, mais qu'on ne reconnaît pas parce que c'est pas des objets qu'on va utiliser dans le quotidien. Est-ce que j'ai raison? Oui, c'est ça. Souvent, les objets qui m'interpellent, que j'accumule, c'est souvent des objets usinés, manufacturés, qui sont plus anonymes, qui sont quand même dotés de sens, mais sont moins connotés symboliquement, sont plus silencieux. Donc, et souvent, ils ont un potentiel structural qui m'interpelle plus. Donc, je pense que ça peut être... en fait, c'est toutes sortes de choses. C'est assez varié. Ça peut être des ressorts de matelas, de la tuyauterie, de la plomberie, des objets en mécanique. Donc, tu tombes en amour avec la forme de l'objet, si on veut. La forme, son mm-hmm. potentiel d'association. C'est souvent une fois que tous ces objets-là sont assemblés dans un même... pas assemblés, mais juste disposés, accumulés dans un même espace, qu'il y a des connexions qui se créent souvent... Parfois, sont fortuites, improbables, un peu incongrues. Puis ça... à travers les fragments isolés... il y a quelque chose des fois qui converge, ça se contamine, puis ça me permet de... En fait, c'est la partie la plus intéressante pour moi du travail, donc de créer des assemblages qui c'est interagissent. C'est des rencontres entre les différents objets. Puis souvent, plus la forme va être travaillée, plus elle va être simple, puis il va y avoir des décisions qui vont avoir été prises, puis ultimement, c'est un peu le défi d'avoir quelque chose qui... c'est de générer un sens en créant une structure ou un objet très, très simple avec peut-être la rencontre de deux ou trois objets. Donc, oui, parce que ce n'est pas des assemblages d'accumulation, les assemblages que tu présentes, les œuvres que tu crées. Ce sont des assemblages qui sont, somme toute, très simples. Il y a souvent deux ou trois éléments, parfois cinq, mais c'est très, très simple. Oui. Donc, j'imagine que c'est des combinaisons tu parlais d'une approche empirique, donc c'est beaucoup dans l'essai-erreur, j'imagine, que ça oui, se passe. Oui, c'est intuitif, c'est beaucoup... mais en fait, mon travail interroge beaucoup notre rapport à l'objet, mais mm-hmm. Je m'intéresse aussi beaucoup au rapport au corps, le rapport à l'espace qui est propre à la sculpture, et... je me suis intéressée au dispositif de présentation de l'objet et la manière dont on peut transformer un objet Retirer de la signification ou disons avec l'intention de l'abstraire de abstraire l'objet de sa fonction, de sa signification pour le faire voir autrement. Donc, une recontextualisation. C'est ça. Donc, un peu, j'observe comment les choses sont faites, puis j'essaie de les déconstruire pour les reconstruire autrement. Puis c'est vraiment en les observant, en les manipulant que je me les approprie, puis que j'essaie de faire du sens avec ça. Puis bon, des fois, ça fonctionne, des fois moins. Puis à la fin, je conserve ce qui est le plus étonnant, ce qui, des fois, ça mène à des formes qui sont... insolite ou quelque chose d'énigmatique un peu dans certaines pièces où il y a une dimension absurde dans oui. d'autres. Donc, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, c'est un travail qui est abstrait, qui laisse place à la contemplation. Mm-hmm. J'utilise pas la sculpture pour représenter une idée ou... c'est pas la narration d'un récit, c'est vraiment comme une fiction qui existe par elle-même. C'est... Oui, donc c'est un travail qui est très autoréférentiel. Oui. Donc la forme réfère à sa forme elle-même. Tu travailles aussi beaucoup avec les couleurs. Tes couleurs sont assez particulières. C'est des couleurs qui tirent sur le pastel. Et puis, bon, on a des gris aussi. Qu'est-ce qui va motiver tes choix de couleurs? Comment tu décides des couleurs que tu utilises? Il faut dire aussi aux auditeurs que c'est en fait tu peins les objets, les éléments d'assemblage de manière uniforme. Oui, souvent c'est monochrome. Souvent la couleur va être utilisée comme une stratégie formelle. Donc mm-hmm. soit pour venir niveler l'assemblage, pour un peu niveler le sens de chaque objet, ou des fois ça va être pour en faire ressortir, faire en sorte qu'un objet se je pense, disons, certains, j'utilise beaucoup des tubes, des tuyaux, là, sais pas comment, et qui sont un peu comme un geste dans l'espace, qui viennent transpercer une structure qui va être peut-être plus abstraite dans le sens qu'elle va être peinte en grise, puis la structure qui va venir la traverser va être une couleur très vibrante. Donc, les pastels, souvent, bon, c'est des couleurs qui sont un peu en dissonance avec la forme qui est très soit organique ou les objets usinés en mécanique. T'sais, bon, ça sera pas une couleur pastel, donc quelque chose qui détonne un peu, qui devient. Et ça vient aussi renforcer ce côté pas industriel mais artificiel des objets que tu colliges, que t'assembles dans ton travail. C'est ça. Donc vraiment, on les certaines fois, je les conserve intacts, mais bon, c'est vraiment une façon de révéler la forme ou venir de la circonscrire dans l'espace. Mm-hmm. Si je pense aux assemblages, aux structures en ressort de matelas, donc c'est quelque chose qui, quand tu t'appliques une couleur, disons, le bleu clin un peu, le bleu très vibrant, puis ça vient... Un bleu cobalt. Un bleu cobalt très fort ou un jaune acidulé, bon, mais ça vient faire une densité chromatique qui fait que la forme va se révéler, va se dessiner, en tout cas, va ressortir dans le... Et ça rend la pièce plus... présente. Mm-hmm, mm-hmm. Oui, c'est intéressant parce que tu as installé tes pièces dans l'espace à regard que tu as un espace galerie qui est somme toute quand même assez vaste, grand, oui. Mais il y a beaucoup d'espace entre les pièces. Comment tu as réfléchi l'installation des œuvres dans l'espace? Tu parlais du rapport au corps tout à l'heure. La plupart des œuvres sont à échelle humaine. Il y a un rapport un peu de face à face, je pourrais dire, avec les œuvres. Oui, puis sont présentées sans socle, sans dispositif autre. Tout ce qui est dans la galerie fait partie des assemblages, des sculptures. Donc, j'ai peu installé d'une façon... je pense que dans le dialogue qui se crée les échos, il y a un peu une poésie formelle qui ressort de toute la disparité des assemblages. Puis ça vient ponctuer l'espace. Je pense que ça donne un rythme. Les sculptures sont simples, mais sont très rythmées. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Mais c'est intéressant parce qu'on parlait de la couleur tout à l'heure, et puis la palette de couleurs que tu utilises dans l'exposition est assez limitée. Donc, il y a un peu des rappels qui se créent. Donc, on a une couleur qu'on retrouve dans un assemblage, qu'on retrouve dans l'autre assemblage, et qui vient ponctuer un peu la ponctuation dont tu parles dans l'espace. Il y a un rythme qui se crée. C'est ça. Fait qu'il y a comme un... Parce que c'est toutes des sculptures. C'est vraiment sculpture-objet. Là. Il y en a certaines qui sont monolithes, qui sont, sont murales, sont au sol ou sont verticales, mais c'est vraiment de la sculpture dans un... Je sais pas, je peux dire dans un esprit plus traditionnel, dans le sens que c'est un objet, ce sont des objets. Et il y a un parcours qui se crée, puis à la fin, bon, ça se termine avec une murale, une construction en équilibre un peu précaire, en haut relief là, de retaille, d'assemblage de polystyrène, de profilé, là, de, mm-hmm. d'emballage de polystyrène. Donc, ça vient comme mettre un peu un point à la fin du parcours. OK. Donc, puis c'est une surprise aussi. On va partir pour une petite pause audio et on va revenir en parlant de cette installation de polystyrène qui se retrouve dans ton exposition. Donc, on va écouter un extrait de Theme Ship Karnak 2. Alors, Marie-Ève Fréchette, on s'est quitté en parlant de cette installation donc, qui est tout au fond. Pour ceux qui sont déjà à la regard, c'est une galerie qui est en forme de L. Donc, on ne voit pas le fond de la galerie lorsqu'on entre. Donc, une installation murale faite à partir de... C'est des morceaux d'emballage de polystyrène, c'est ça? C'est ça, c'est des exactement. Mm-hmm. Donc, ils moulent les formes des objets électroniques probablement qui ont été transportés dans les boîtes. C'est ça. Fait que j'ai accumulé ça. J'ai trouvé ça un peu partout. oui, j'imagine. Évidemment. Donc on a des formes... contrairement au reste de ton exposition, on a des formes très très rigides, très géométriques dans cette œuvre-là. Mais dans ton exposition, quelque chose qu'on remarque, c'est un aspect très organique dans la forme. Parce que là, on a parlé des objets industriels, mais on n'a pas encore parlé de ces éléments d'assemblage que tu façonnes toi-même, qui sont des espèces de masses à la fois informes, qui ont une forme évidemment, mais qui peuvent rappeler donc des éléments plus organiques. Là. Oui, ben... Attends, comment, par où je pars avec ça? Oui. donc, il y a un rapport qui touche peut-être plus à la biologie ou... Oui, c'est ça, à la biologie, en fait. Bon, c'est vrai que tu dis, il y a des objets que je fabrique à la main qui ont une facture plus organique, c'est ça. Mm-hmm. Et il y a des objets usinés qui cohabitent ensemble, des fois dans les mêmes pièces. Et c'est sûr que dans mon travail, il y a toujours eu un... J'ai pas de thème. La biologie, c'est pas un thème que je veux représenter, mais ça nourrit mon travail. Donc, c'est en lien aussi avec mes études antérieures en sciences, mais j'ai toujours eu un intérêt pour le fonctionnement des petits systèmes biologiques, les matières organiques, les anomalies biochimiques. Donc, c'est sûr qu'il y a une facture organique dans mes objets. Puis aussi, l'utilisation des objets usinés qui sont fabriqués en série, pour moi, je trouve que ça possède également une dimension organique. Donc, dans le... C'est drôle que tu dises ça, parce qu'au premier abord, on y voit plutôt un contraste. Exact. Mm-hmm. Mais au départ, je trouvais le contraste intéressant, mais en même temps, plus je les regarde, ces objets-là, souvent, ils ont des formes récurrentes, la répétition d'un même motif dans leur structure. Je pense aux spirales dans les ressorts d'un matelas qui sont répétitifs, des formes stratifiées. Pour moi, ça me fait un peu penser à une espèce d'un haut niveau d'ordre apparent qui régit la nature. Il y a un ordre dans la nature. Dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand de ces éléments qu'on peut... Oui, dans l'infiniment petit ou dans la nature en général. Il y a un ordre apparent. Si on pense au fractal ou ça peut être... À la formation des cellules. Exactement. Il y a toujours des sous-systèmes chaotiques imprévisibles, mais il y a une espèce d'ordre dans la nature et... la répétition d'un même motif, d'une même forme, d'un même objet. Donc, exemple, l'accumulation de la murale de polystyrène en haut relief, c'est l'accumulation d'un même objet, mais l'idée de prolifération qui se dégage de ça, ça nous ramène un peu à l'idée de biologie, l'idée de métamorphose, l'accumulation. Donc ça, c'est dans mon travail en général, puis c'est souvent en aval je m'en rends compte un peu, mais je pense que ça... Ça se dégage de mon travail. Donc, ça nourrit ton travail. Exactement. Si on revient aussi à ces réflexions autour de la nature, il y a quelque chose qui est aussi dominant dans ton travail, c'est tes pièces sont parfois en équilibre précaire. On se demande comment elles tiennent. Donc une des pièces qui est quand même assez prédominante dans l'installation, dans l'exposition, c'est cette espèce de masse grise qui tient sur un pied très très très étroit et qui est une masse qui est très grosse, qui est très volumineuse. Oui, elle est un peu en porte-à-faux, oui, puis elle tient sur un pied assez mince. Donc c'est sûr que il y a tout un jeu d'équilibre dans la construction, dans la fabrication de la sculpture objet, puis ça c'est ce qui me fascine aussi parce que je découvre en fait je travaille à l'échelle 1-1, donc je découvre, il n'y a pas de maquette, il n'y a pas d'idée préalable, je travaille directement dans l'espace réel et je construis par accumulation, donc l'équilibre se crée au fur et à mesure, mais je pense que l'espèce d'équilibre précaire qu'on retrouve dans au niveau de la forme de mon travail est un peu en lien aussi avec le vivant, avec la nature, donc... Cette espèce de fragilité avec une conscience écologiste ou... Oui, il y a quelque chose qui m'interpelle là-dedans. C'est sûr qu'il y a beaucoup de récupération dans mon travail. Puis c'est pas nécessairement le propos comme tel, mais plus la méthode. Mais bon, le recyclage fait partie de notre vie. C'est plus... c'est pas nécessairement le propos de mon travail, mais oui, c'est sûr que c'est la méthode. Puis ça a plus de sens pour moi de récupérer des objets puis de travailler avec ce qui m'entoure dans mon environnement immédiat puis d'avoir un... de le transformer, donc j'éprouve une satisfaction à faire ça. Puis j'ai perdu l'idée où je m'en allais. Une dernière question, Marie-Ève Fréchette, pour terminer. Donc, en visitant ton exposition, on peut sentir qu'il y a comme trois regroupements d'œuvres. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est pas... ça s'échelonne, le projet, sur 2 ans, donc il y a plusieurs... les recherches ont amené à un peu... Il y a un peu 3 orientations qui s'en dégagent. Les formes, disons qu'on résume rapidement, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, les formes un peu monolithiques, les volumes, en fait, fermés, facture organique un peu plus énigmatique, qu'on parlait tantôt, plus informe. C'est comme... J'aime un peu l'idée en sculpture de figer un instant, un peu dans l'évolution des formes, comme si ça suppose qu'il y avait un avant ou un après, comme si c'était une forme qui était en train de devenir autre. Ça, je l'avais beaucoup travaillé dans Objet idiopathique avant, précédemment. Donc, une sculpture qui est fixe, mais qui est très en mouvement. Et souvent, les gens veulent toucher à la pièce parce qu'ils se demandent est-ce que c'est mou. Donc, on a une idée que c'est très, très informe et mou, mais bon, souvent, c'est... Mais ça tient. Exactement, sans régime. Donc, il y a des structures plus hétérogènes qui sont des assemblages vraiment circonstanciels, qui sont... éphémère, là, donc d'un lieu à l'autre, il va y avoir une configuration spatiale différente. Il y a aussi des structures qui sont plus en réseau. Comme dans l'espace de l'entrée de regard. Exactement. Donc là, ça, c'est vraiment le travail au tout départ du projet. Donc, j'ai commencé le projet de maîtrise vraiment en travaillant sur les ressorts de matelas. Je trouve que c'est un bel objet. Il y a quelque chose de... Puis un potentiel d'accumulation, faire une structure. Le potentiel structurel, je sais pas, avec ça. Oui, il y a quelque chose du dripping, du all over de Pollock quasiment, ouais, dans toute cette accumulation de formes. Exactement. Donc, puis ça, ben, ça permet souvent d'assembler par accumulation, un peu comme le polystyrène aussi. Donc, c'est toutes des structures qui ne sont pas fixes, qui sont plus éphémères, contrairement au volume fermé, auquel j'ai ajouté un peu des tuyaux, un peu des ouvertures, un peu des cheminées, là, comme des objets qui viennent un peu questionner l'intérieur, le rapport intérieur-extérieur. Oui, qui donne une intériorité, là, un peu comme... moi, c'est niaiseux, mais ça m'a fait penser à ces tuyaux dans Mario Bros. Donc, sur cette belle petite blague, je te remercie beaucoup, Marie-Ève Fréchette, d'être venue parler de ton exposition. On va partir pour une petite pause audio encore et je vous reviens après la pause, avec l'agenda de la semaine. Alors, c'était un extrait encore d'une pièce de Yann Noumela, qui est un artiste finlandais, encore une fois proposé par Simon Roy cette semaine. Alors, pour vous parler un peu de ce qui se passe dans le monde des arts visuels cette semaine à Québec, tout d'abord, il y a le Théâtre Rue d'Ingénierie qui entame un peu le mois multi, si on veut. Il va y avoir vernissage le 24 janvier de l'installation. Donc, Théâtre Rue d'Ingénierie qui présente saison complète. Donc, il va y avoir plusieurs performances au sein de cette installation-là, mais l'installation va avoir cours dès le 25 janvier dans l'espace multi de Méduse. Également, il va y avoir jeudi le vernissage d'Anne-Marie Bélanger du côté d'Espace Parenthèse au cégep de Sainte-Foy. Jeudi encore, à partir de 17h30, le vernissage d'Anne-Marie Bélanger. Et jeudi encore, il y a la table ronde dont on parlait tout à l'heure avec Lauriane Thibodeau, donc qui va avoir lieu à Vue. Donc une table ronde autour du livre photographique. Et en même temps, il va y avoir le lancement du Petit Gris. Donc le Petit Gris qui est un manuel d'auto-édition en art. Également, il va y avoir un vernissage du côté de la Clarté Dieu. Donc, la Clarté Dieu, qui est ce petit lieu d'exposition sur le boulevard Laurier. Donc, une exposition qui regroupe les œuvres de Marie-Claude Drolet, Onira Lucier et Joseph-Richard Veilleux. Donc, l'exposition se nomme « Entre les lignes ». Ça va être à partir de 14h le 27 janvier. Et finalement, à partir de la semaine prochaine, dès le 30 janvier, débute son contexte, donc qui est une rencontre internationale autour des pratiques artistiques sonores contextuelles qui est organisée par Julie Faubert. Ça va avoir lieu à l'École d'art. Vous fallait vous informer sur le site de l'École d'art. Donc, c'est la dernière semaine pour voir l'expo de Marie-Ève Fréchette, particule élémentaire dont on vient de parler, mais également, on a oublié d'en parler, la vitrine à regard, donc qui est occupée par des œuvres de Fanny Ménard, qui est chroniqueuse également à l'émission. Voilà, c'est déjà la fin pour cette édition de l'Aérospatiale. Vous pouvez toujours réentendre notre émission en balado-diffusion sur notre page web et on vous invite à nous suivre également sur Facebook et sur Instagram. Un grand merci à Mélanie Florent à la mise en onde et à mes chroniqueuses et chroniqueurs Lauriane Thibodeau et Julien Saint-Georges. Également mon invité Marie-Ève Fréchette. Demeurez à l'écoute car de l'autre côté de la pause, c'est Jason Béliveau qui remplace Pierre Blais à l'animation de Situation Critique. Donc, à la semaine prochaine, vous pouvez retrouver Audrey Caro à l'animation. Bonsoir. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. C'est... Je suis une voix. K. Je puis être musique. R. Je suis un disque. L. CKRL. Les choses étant ce qu'elles sont. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. 4 fois radio communautaire de l'année aux rencontres de la disque depuis 2010. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec. Antitube, la Maison des femmes de Québec. Salle Albert Rousseau, l'Association pour la défense des droits sociaux Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Cette année au Mois Multi, ne manquez pas Saison Complète, la toute nouvelle création de Théâtre Rue d'Ingénierie. Saison Complète, c'est une œuvre qui évolue sous les yeux du public pendant 11 jours. C'est à la fois une installation, des performances et un film. Si intriguant que vous ne voudrez pas manquer un seul épisode. Vivez cette fascinante épopée en vous procurant l'abonnement à la Saison Complète. C'est un rendez-vous à Méduse du 24 janvier au 5 février. Moimulti.org. Pourquoi devenir membre de votre radio? Parce qu'on vous parle avec passion de cinéma, de poésie et de littérature sous tous ses aspects. Et parce qu'aussi, ça vous permet de soustraire 10% sur votre addition à la librairie Pantoute. Devenez membre sur ckrl.qc.ca. Le mercredi 24 janvier à 20h, la Maison de la littérature présente « Autour du Lactume » de Régent Ducharme, une fabuleuse lecture-spectacle par Marc Itabois dans une mise en scène de Martin Fauché. Ce trésor retrouvé donne à voir, lire et entendre l'humour tout en finesse de Ducharme autour des thèmes qui lui étaient chers, dont l'enfance perdue, la duplicité des adultes et la difficulté d'aimer. Pour la première fois à Québec, on pourra aussi voir l'exposition des 198 planches du Lactume à la Maison de la littérature dès le 24 janvier. On est en 1997, c'est le début de l'université et je me retrouve devant un babillard à essayer de me repérer dans l'université et de trouver le local où il faut aller.